la table rase. Supposons donc au commencement l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment vient-elle à recevoir des idées? Par quel moyen en acquiert-elle cette prodigieuse quantité? Que l'imagination de l'homme, toujours agissante et sans borne, lui présente avec une variété presque infinie. D'où puise-t-elle tous ces matériaux qui sont comme le fond de tous les raisonnements et de toutes ses connaissances? À cela je réponds en un mot: de l'expérience. C'est là le fondement de toutes nos connaissances, et c'est de là qu'elles tirent leur première origine, les observations que nous faisons sur les objets extérieurs et sensibles, ou sur les opérations intérieures de notre âme, que nous apercevons et sur lesquelles nous réfléchissons nous-mêmes, fournissent à notre esprit ces matériaux de toutes ces pensées. Ce sont là les deux sources d'où découlent toutes les idées que nous avons ou que nous pouvons avoir naturellement. Avoir naturellement. Avoir naturellement.